je pense à toi. Je pense à sous toi. La pluie, même dans le froid. Même dans le c'est froid. C'est paradis avec toi. Avec toi. Comment faire quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. Je t'aime, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Et d'amour sauvage. Sauvage. Je suis hâte plus d'une fois. Plus d'une fois. T'envoyer en l'air avec moi. Avec moi. Mais les caresses ton corps. Ton corps. Mais toi t'en veux encore. Encore. Non, c'est s'en veut plus fort. Plus fort. Et ton cheveu jusqu'à la mort. Mais les caresses ton corps. Encore. Mais toi t'en veux encore. Encore. Donc mon sexe t'en veut plus fort. Plus fort. Et toi cheveu jusqu'à la mort. Viens, viens, baby, baby. Je vais renverser ta bouche. Viens, viens, viens, viens, baby, baby. Je vais déshabiller ta bouche. Viens, viens, viens, viens, baby, baby. Et sur le lit je te couche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Viens qu'on le fasse sous la douche. Baby, baby, baby, baby. T'es le cœur de ma vie, de ma vie. T'es mon péché aussi, aussi. Viens, viens, baby, baby. Je vais renverser mon ta bouche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Je vais déshabiller ta bouche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Et sur le lit je te couche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Viens. Grave ton soutien-gorge, enlève ta culotte. Il fait du 69 degrés tellement que c'est hot. Je mets ma langue dans ta bouche, au top. Dans le lit je te fais crier girl jusqu'à l'aube. Hop, j'ai vibré ton corps comme sur du hip-hop. Va et viens, je ton corps, je ton sexe. Je tes fesses, t'es mon sex shop. Je te fais l'amour jusqu'à la syncope. Bébé regarde plus bas, mon cadeau jouissif shop. Sous les draps viens ma puce, ma puce. Je te lèche, tu me suces. Je suis le MC des mamus, ma muse. Des menottes pour ton je t'ai metté attaché, attaché. Et c'est ce que tu voulais. Tu voulais ton corps pour moi, baby, baby. Le mien rentre dans le tien, ouais, ouais, ouais. Viens, viens, baby, baby. Je vais renverser mon ta bouche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Je vais déshabiller ta bouche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Et sur le lit je te couche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Viens. Viens, viens, baby, baby. Je vais renverser mon ta bouche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Je vais déshabiller ta bouche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Et sur le lit je te couche. Viens, viens, viens, viens, viens, baby, baby. Viens qu'on